Dans ma voix, même dans mes rêves, tu sais, je suis maladroit. Je tourne dans la tête quand ça va pas. J'envoie des SOS comme Balavoine. Je n'ai que le spleen, pas l'idéal. Je suis taciturne, mais ne paniquez pas. Mon cœur est plein d'alinéas. Et je tourne en rond comme un couple à Ikea. Un peu d'oseille, un peu de toi. Un peu de haine, un peu de joie. Un peu de haine, un peu de moi. Un peu de peine, un peu de faut une boîte automatique. Fils du soleil, mon carré photovoltaïque. Je veux tout le quartier à l'Elysée. La révolution ne sera pas télévisée. Tard le soir, deux, trois ivrognes d'armes au fond de la thèse. Quelques taches de vin au réveil, ils se rendront pour Gorbatchev. Mes souvenirs se rembobinent comme le frais en VHS. Mais mon cœur est neutre comme la Suisse, comme un PHS.